sa dernière gifle, sa dernière piste. Un art triste, pour certains réaliste, pour d'autres pessimiste. En tout cas, écrit à vif, je mens pas, je triche pas, j'écris avant tout pour moi. Je vends pas, je lâcherai pas, ça me fait du bien, voilà. Je me voile pas la face, je vois ce qui se passe. Comme tous, j'avance et je trace, mais moi je ressasse et je ressasse, donc j'en laisse une trace. Tout va trop vite, donc je prends le pic pour lâcher ma vision sceptique de ce monde dirigé par le fric. Un monde narcissique où l'obéissance est de rigueur, où la liberté c'est pour les doux rêveurs. Un monde de travail et de la peur, d'esclavage et d'horreur. Un monde rassuré par la peur, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on s'apprête à laisser. Pas envie de me taire, impossible que j'arrête de rapper. Jeune artiste livrant sa dernière gifle, sa dernière piste d'un art triste qui te voudrait optimiste. Car je veux pas quitter la piste, je voudrais être fier de ma vie, pouvoir dire que j'aime ce que je suis, avoir été au bout de mes envies. Un passif solide et construit, donc dans le présent, droit et réfléchi. Une main tendue, me poser sur mon deux-chi. Bah oui, que veux-tu, on a tous des sevilles. Fais ce scud pour lâcher la pression, donner ma vision, et pour l'amour du son, cette passion inébranlable mais remplie de vibrations. Cette conviction, que ça parle pas qu'à moi, qu'une voix peut porter plus loin que ce qu'on croit. Peut-être naïvement, mais inarrêtable, sincèrement. Suis-je instable? Certainement, envie de péter un câble. Souvent, surfais-je ma table, et un appétit me hante. Tous ces jours qui m'accablent, retranscrit sur un sample. Je contemple le temps qui passe, qui part comme un coup de schlasse. Qu'on peut tuer à chercher une place, égaré dans nos trafics, l'ego illicite. Toujours en affrontement, ou toujours en fuite, tout est question d'agissement. En attendant la suite, que veux-tu? Moi aussi, j'attends la suite, que veux-tu? Moi aussi, j'attends la suite. Jeune artiste livrant sa dernière gifle, sa dernière piste d'un art triste, toujours instinctif, pas mentaliste, altruiste, pas capitaliste. Si t'en es arrivé là, t'as compris pourquoi mon scud, je l'ai appelé comme ça. C'est ma thérapie à moi, ma manière d'aller bien quand ça va pas. Art triste, parce que ça sort du plus profond de moi, et ce qui s'y trouve, c'est pas de la joie. Jeune artiste livrant sa dernière gifle, sa dernière piste d'un art triste, toujours instinctif, pas mentaliste, altruiste, pas capitaliste. Si t'en es arrivé là, t'as compris pourquoi mon sketch, je l'ai appelé comme ça. C'est ma thérapie à moi, ma manière d'aller bien quand ça va pas. Art triste, parce que ça sort du plus profond de moi, et ce qui s'y trouve, c'est pas de la joie. Non, c'est pas de la joie.